The French Pod Audio Review. Let's start with the vocabulary. Fascinating. Fascinant. Shooting star. L'étoile filante. Wish. Le vœu. Little Dipper. La petite ours. Star. L'étoile. North Star. L'étoile polaire. Big Dipper. La grande ours. Constellation. La constellation. Shape. La forme. To know. S'y connaître en. A moment ago. Tout à l'heure. To seduce. Séduire. Cute. Chou. Now, a bit faster. Shape. La forme. Wish. Le vœu. Big Dipper. La grande ours. Wish. Le vœu. A moment ago. Tout à l'heure. North Star. L'étoile polaire. To know. S'y connaître en. To seduce. Séduire. North Star. L'étoile polaire. Shooting star. L'étoile filante. Wish. Le vœu. A moment ago. Tout à l'heure. Big Dipper. La grande ours. Cute. Chou. To know. S'y connaître en. Constellation. La constellation. Fascinating. Fascinant. A moment ago. Tout à l'heure. Cute. Chou. Little Dipper. La petite ours. Shape. La forme. A moment ago. Tout à l'heure. Big Dipper. La grande ours. Star. L'étoile. Constellation. La constellation. Now, use the words in context. La forme. That skyscraper is shaped like a bottle. Ce gratte-ciel a la forme d'une bouteille. S'y connaître en. I know a lot about history. Je m'y connais en histoire. Tout à l'heure. He'll be back in a bit. Il va revenir tout à l'heure. Séduire. He tries to seduce a different girl every day. Tous les jours, il essaie de séduire une fille différente. Chou. This baby is really cute. Ce bébé est vraiment chou. La forme. That skyscraper is shaped like a bottle. Ce gratte-ciel a la forme d'une bouteille. Tout à l'heure. He'll be back in a bit. Il va revenir tout à l'heure. Chou. This baby is really cute. Ce bébé est vraiment chou.